Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Franklin Delano Roosevelt, le président du New Deal. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même, dira Franklin Roosevelt dans son discours d'investiture le 4 mars 1933. Le premier grand changement associé au fameux New Deal de Roosevelt est d'abord d'ordre psychologique. Avec l'arrivée de Roosevelt à la présidence, l'Amérique décide de combattre l'amorosité économique dans l'action, mais surtout avec optimisme. Quand Roosevelt devient président des États-Unis, son pays est en pleine récession économique. Sa présidence sera celle de la relance de l'emploi, grâce à d'importants investissements publics et l'établissement d'un filet de sécurité sociale minimal pour les plus pauvres des Américains, ce qui est nouveau aux États-Unis. Octobre 1929. Tout s'écroule à Wall Street. Les États-Unis connaissent le plus grand crash boursier de leur histoire. En quelques jours, en quelques heures, des dizaines de milliers de spéculateurs n'ont plus rien. Tout le monde a vendu et veut vendre. Plus de 16 milliards de titres ont été liquidés en une séance de bourse. C'est la ruine et la foule gronde. La grande dépression commence. Les entreprises font faillite. Les usines ferment. Des millions d'hommes vont se trouver sans travail. Il faudra attendre 1932 et l'élection à la présidence de Franklin Roosevelt pour que les effets de la crise s'atténuent. Des mesures de contrôle sont prises dans les banques, un fonds de sécurité est établi. Les démocrates prennent les mesures nécessaires pour donner un nouvel essor à l'industrie. Le journaliste Pierre Nadeau expliquant le contexte dans lequel sera élu Franklin Roosevelt à la présidence des États-Unis en 1932 pour nous parler de l'importance de cette présidence, nous décrire aussi dans quel contexte, justement, Franklin Roosevelt va transformer les États-Unis. Mon invité, l'historien André Champagne, collaborateur régulier de l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Quelle importance aura cette présidence, André Champagne? Il se place où, Franklin D. Roosevelt, au palmarès des présidents américains? Il est dans les trois premiers. Systématiquement. Il fait pratiquement l'unanimité. Au premier rang, on retrouve toujours Washington ou Lincoln et suivi au troisième rang, incontestablement, par FDR. Pourquoi Franklin Delano Roosevelt? Parce qu'il a ni plus ni moins que sauvé le capitalisme américain. Ouais. Au moment où il entre à la Maison-Blanche, il y a 15 millions de chômeurs. Le président sortant, Herbert Hoover, a été complètement dépassé par la crise économique qui a commencé en 1929. Il avait dit au début de 1930 que la prospérité est au coin de la rue. Ouais. Et il se fiait tout simplement à la loi de l'offre du marché. Et pour lui, il n'était pas question que le gouvernement intervienne. Alors Roosevelt, lui, pendant la campagne présidentielle de 1932, spontanément, lors d'un discours, il dit que ce qu'il a proposé au peuple américain, c'est un New Deal. Ouais. De quoi s'agit-il? Il ne le sait pas lui-même. Alors, c'est ça qui est assez étonnant puis qui est très ironique, c'est qu'il va aller à tâtons. Il va tout simplement lancer des projets. Il a d'ailleurs dit, et ça explique la formule, il a dit ceci. Le pays a besoin, à moins que je comprenne mal ses sentiments, le pays réclame une expérimentation audacieuse et permanente. Le bon sens, c'est de choisir une méthode et de l'essayer. Si elle ne marche pas, reconnaissez-le franchement et essayez-en une autre. Mm-hmm. Mais par-dessus tout, faites quelque chose. Ouais. C'est ça, le New Deal. Exactement. Ça se passe. Je le disais, mais il y a un effet psychologique. Il faut bouger, il faut oser, parce que l'État, il va reconnaître, lui, ce que Hoover n'a pas fait, l'importance de l'État pour relancer l'économie, pour créer de l'emploi. On va y venir à ça, à ce New Deal qui, effectivement, n'est pas un programme politique, mais une succession de mesures qui vont se déployer au fil du temps. Mais avant d'aller plus loin, présentons un peu le personnage, parce que quand même, ça vaut la peine. Voyons un petit peu d'où vient Franklin D. Roosevelt. Il est né où? À quel milieu appartient-il? Alors, il est né à Albany, New York. C'est un grand patricien. C'est une grande famille d'origine néerlandaise, arrivée au 17e siècle. Il est enfant unique. Il est l'enfant chéri de sa maman. Il est le cousin, je pense, au cinquième degré du président Theodore Roosevelt. Il va même épouser la nièce de Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui fait une partenaire de vie extraordinaire. Il a eu une enfance dorée. Il a fréquenté les meilleures écoles privées, l'école privée Groton. Il a étudié le droit à Columbia et Harvard. C'est un homme qui, très tôt, a développé un goût pour la politique, fortement influencé par, évidemment, son cousin Teddy. Oui. Et il avait ceci de particulier, c'est un homme qui était doté d'un charme incroyable. Ses compagnons d'école, ses compagnons d'université le trouvaient superficiel, oui. Trouvaient que c'est un dilettante. Sauf que ce dilettante-là, séducteur, exactement, sauf que ce dilettante-là a dit quelque chose qui rejoint ce que vous venez de dire. C'est un optimiste, c'est quelqu'un qui dégageait une chaleur, qui dégageait un optimisme et qui faisait que les gens se sentaient bien avec lui. Et c'est un homme qui avait une empathie qui, malgré ses origines patriciennes, sentait que, quand on était issu de ce milieu-là, on devait rendre à la société en s'impliquant, soit socialement, soit politiquement. Et c'est ce qu'il fera, donc. Ça commence au Sénat, sa carrière politique? Oui, au Sénat de l'État de New York. Il se fait élire au Sénat de l'État de New York en 1910. Il réussit à vaincre les fameuses machines de l'État de New York. Et trois ans plus tard, le président démocrate Woodrow Wilson le nomme assistant secrétaire à la marine. Mm-hmm. Pourquoi la marine? Parce que son cousin Teddy avait été, un des grands développeurs de la marine de guerre américaine. Et étant donné que les Roosevelt pratiquaient le yachting, pratiquaient la voile, il avait développé évidemment un très grand intérêt pour l'histoire de la marine puis l'histoire de la guerre navale. Donc, il sera assistant secrétaire tout au long de la guerre. Et en 1920, il sera le colistier du candidat démocrate Cox, qui est vaincu par le républicain Harding. Il y a deux événements qui vont être assez importants pour lui assez tôt dans sa vie. Un premier événement touche sa liaison avec Lucy Mercer, que découvre sa femme, Eleanor Roosevelt, en 1919. En quoi cet événement-là, André Champagne, est important pour la suite des choses? Quelque part, Lucy Mercer, c'est la femme qu'il aurait dû épouser. Mais étant donné qu'il avait été littéralement charmé intellectuellement par sa cousine, Eleanor, qu'il a épousée en 1905, avec qui il a eu 5 enfants. Il y en a un sixième qui est mort malheureusement en très bas âge. C'était la partenaire idéale sur le plan politique, sur le plan familial, mais ce n'était pas une mondaine. Elle n'avait pas la beauté, elle n'avait pas le charme qu'avait Lucy Mercer. Mm-hmm. Et Lucy Mercer, qui avait été choisie par Eleanor pour lui servir de secrétaire, pour lui servir d'assistante. Évidemment, étant l'été, les étés, les Roosevelt les passaient à monter à Campobello, au Nouveau-Brunswick. Alors, il passait ses étés à Washington ou à New York avec cette la belle Lucy Mercer. Puis ce qui devait arriver, arriva. Ils ont eu une liaison. Et lors d'un retour d'un voyage en Europe en 1919, Eleanor Roosevelt découvre des lettres échangées entre Roosevelt et Lucy Mercer. Et là, il s'aperçoit qu'elle est trompée. Alors, elle demande le divorce, sauf que Mme Roosevelt, c'est parfaitement bien que chez les Roosevelt, on ne divorce pas. Et que si jamais il y avait un divorce, ses ambitions politiques seraient terminées. Alors, elle réussit à convaincre Franklin et Eleanor de rester ensemble. Mm-hmm. Mais dès lors, ils vont faire chacun leur vie séparée. Mais là, il y a un pacte à ce moment-là. Oui. Et ça, c'est important. C'est ce qui lui permet de poursuivre sa carrière politique. Parce qu'il y a ce pacte entre Eleanor et Franklin. Je serai avec toi. Puis elle sera même très présente. Et elle sera même sa conscience sociale. Oui, voilà. L'autre élément qui aurait tout pu faire basculer, c'est sa maladie. Roosevelt est frappé en 1921 de la poliomyélite. Il décide quand même, à ce moment-là, il se dit « j'abandonne tout », mais non, il continue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il est animé par cette volonté de servir le public. Il est convaincu qu'il a un rôle à jouer sur le plan politique, qu'il a un rôle à jouer sur le plan national. Et pour lui, le fait d'être privé de l'usage de ses jambes, ce n'est pas assez pour ne pas continuer, ne pas poursuivre sa vie politique. Et il va vraiment se mettre à tout tenter sur le plan de la physiothérapie pour pouvoir finalement retrouver l'usage de ses jambes, ce qu'il ne retrouvera jamais. Mais cependant, à force de volonté, il arrivera à rester debout, mais ses deux jambes sont soutenues par des attelles en métal qui le font terriblement souffrir et il peut rester debout dans la mesure où il peut s'appuyer sur quelqu'un. Alors, c'est pour ça que si vous regardez n'importe quelle photo, n'importe quel film de Franklin Delano Roosevelt, quand vous le voyez debout, soit qu'il est appuyé sur une rampe, soit qu'il est appuyé au bras de quelqu'un. Donc, il a réussi à pouvoir se déplacer quand même, faire quelques pas debout. Oui, et à poursuivre sa carrière politique. Il devient le candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 1932. D'ailleurs, c'est dans son discours d'investiture qu'il va, pas d'investiture, mais à la convention démocrate, c'est la première fois dans un discours où il va parler de New Deal. Il remporte très facilement l'élection de novembre 1932. Pourquoi cette victoire à ce point éclatante? Parce que, je l'ai dit tantôt, il y avait 15 millions de chômeurs, parce que l'administration précédente, le républicain Hoover, n'avait pratiquement rien fait. Et en 1932... Il ne comprenait pas, lui. On en a parlé à l'émission, mais il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Il était dépassé complètement par la situation. Et en 1932, il a refusé de donner le bonus qui devait être accordé aux anciens, aux vétérans de la Première Guerre mondiale. Et il a même autorisé le général MacArthur à tirer sur ces espèces de vétérans qui venaient réclamer leur bonus en 1932. Et cet incident-là était la preuve, justement, de l'indifférence de Hoover face au problème, vraiment, de l'immense majorité des Américains. Et en 1932, les Américains se disent « On n'a rien à perdre, essayons Roosevelt. » Roosevelt. Et ça marche, victoire éclatante. Et très, très vite, après son élection, Franklin Roosevelt va lancer sa fameuse politique du New Deal. Comment la définir, cette fameuse politique du New Deal? Vous allez voir, au fond, c'est pas une politique en bonne et due forme. On écoute à ce sujet le sociologue Lewis Kozer à l'émission « Des idées des hommes » en février 1960. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on parle du New Deal, c'est que ce n'était pas une idéologie bien formée au commencement de la période Roosevelt. Roosevelt n'avait pas de programme bien défini au moment où il se présentait à la nomination et puis aux élections. Et c'est seulement quand il rencontrait les problèmes au jour le jour qu'il s'est décidé de mettre beaucoup plus en vue les dépenses publiques, de s'intéresser aux investissements publics, de faire des grands travaux publics en ce qui concerne le problème de combattre le chômage. Donc c'était un homme qui n'était pas doctrinaire. Il avait un flair du réel, il avait un flair pour les problèmes qui se posaient à un moment immédiat, et il s'adaptait aux circonstances au pas le jour. C'est intéressant. D'une part, il n'y a pas de programme politique comme tel. C'est un pragmatique qui est au pouvoir et qui réagit aux situations. Oui. Et dès le départ, ce qu'il veut, c'est rétablir la confiance des Américains dans leur système bancaire. Alors, il va... Donc, le discours inaugural est prononcé le samedi, le 4 mars. Quelques jours plus tard, il fait voter la fermeture des banques pour une période de 5 jours avec l'appui total du Congrès, tous les républicains, tous les démocrates votent. Et pendant ces 5 jours-là, le gouvernement peut renflouer en argent les banques qui ont été littéralement vidées de leur argent. Pourquoi? Parce que, étant donné les centaines de milliers de banques qui avaient failli depuis 1933, les Américains n'avaient plus du tout confiance dans leur système bancaire. Alors, il fallait à nouveau créer la confiance. Alors, le gouvernement a décidé, je crois, de fermer les banques qui n'étaient pas solvables et de maintenir ouvertes les banques qui étaient solvables et de garantir les dépôts des Américains dans leurs banques. Ouais. Et pour ce faire, il a lancé ce qu'on a appelé ces fameuses causeries au coin du feu. Ouais. Pourquoi? Parce que régulièrement, Roosevelt s'adressait à la radio au peuple américain pour expliquer ses politiques. Ça va être important dans son succès, la communication politique. Et ce qu'on appelle les fameuses fireside chats vont devenir un peu sa marque de commerce. Ouais. Et en s'adressant aux Américains, il rassurait. Et aussi, dans les premiers mois, il va faire voter le Glass-Steagall Act qui réglemente justement les industries bancaires et qui fait en sorte qu'on distingue maintenant les banques de dépôt et les banques d'affaires. Pourquoi? Parce que trop de banques avaient justement prêté de l'argent pour justement la spéculation à la bourse. Alors, cette loi-là met fin à cette pratique-là. Oui. Ça va aller très, très vite, en fait, parce que, vous le disiez, son discours d'inauguration, c'est le 4 mars. Entre le 4 mars et le 16 juin 1933, il va faire adopter une quinzaine de lois majeures, dont la première, celle dont vous parliez, cette fameuse réforme bancaire, après s'être attaqué et avoir réglé, au fond, cette crise bancaire en ramenant le climat de confiance aux États-Unis. Roosevelt va adopter très, très rapidement des politiques, ce sera un peu la deuxième période de son New Deal, des politiques publiques de relance de l'emploi. On l'écoute dans un discours qu'il prononce le 28 avril 1935. The program for Social Security that is now pending before the Congress is a necessary part of the future unemployment policy of the government. Le programme de sécurité sociale, qui est actuellement à l'étude au Congrès, est une partie essentielle de la future politique de chômage du gouvernement. Le Congrès a soutenu notre responsabilité envers les chômeurs et leurs besoins essentiels dans le plan de travail le plus complet de l'histoire de la nation. Notre tâche consiste maintenant à remettre au travail 3,5 millions de personnes qui ont actuellement recours à l'assistance sociale. C'est un problème auquel doivent faire face autant l'industrie privée que le gouvernement. It is a problem quite as much for private industry as for the government. Les discours qu'on entend, l'extrait de ce discours remonte à 1935, André Champagne, mais il faut le dire avant. Dès 1933, Roosevelt est conscient qu'il doit s'attaquer au chômage. Il est aussi très conscient, puis on l'entend en parler dans cet extrait, du rôle que l'État a à jouer dans la création d'emplois. Oui, pourquoi? Parce que pour relancer l'économie, pour donner la confiance, il faut que le gouvernement intervienne. Pourquoi? Parce que l'entreprise privée ne le fait pas. Oui. L'entreprise n'assume pas son rôle. Alors lui, il va lancer des programmes comme le Civilian Conservation Corps, qui va tout simplement mobiliser les chômeurs pour les faire nettoyer les rives des rivières, nettoyer les forêts, faire du travaux d'entretien. Il va lancer un programme pour venir en aide aux fermiers qui sont incapables de payer leurs dettes, qui sont incapables de payer leur loyer et qui doivent énormément d'argent aux banques et qui sont littéralement dépossédés de leur bien, de leur équipement. Et pour Roosevelt, c'est inacceptable de laisser cette situation-là. Il va même créer un programme, il va même créer le Works Progress Administration, qui est un programme extraordinaire qui va tout simplement donner du travail non seulement aux chômeurs, mais aux écrivains, oui, aux artistes, aux photographes, il va aux peintres, il va ce programme-là vraiment c'est emblématique du New Deal. Ce programme-là va permettre, entre autres, écoutez ceci. Le Work Progress Administration fournira jusqu'en 1941 du travail à 8 millions de personnes. Les chômeurs sont embauchés pour des projets précis et touchent en moyenne 50 $ par semaine. L'œuvre accomplie est considérable. 1 million d'aérodromes, 8 000 écoles et des hôpitaux, la plupart des emplois dans la construction, mais à la suggestion de son épouse Eleanor, des artistes de théâtre, des musiciens, des... C'est ça. Et le Work Progress, Progress Administration... Pour moi, c'est le programme qui est emblématique du New Deal. Et ça veut dire que dans cette volonté de créer des emplois, de grands créateurs comme Orson Welles, Saul Bellow, Jackson Pollock vont bénéficier de ces programmes-là. Parallèlement à ces programmes de création d'emplois, il va se mettre à revoir les lois du travail, mieux protéger les travailleurs. Ça veut dire soutenir les syndicats. Ça sera important. Ça, c'est la fameuse loi Wagner, le Wagner Act. Légitime les syndicats. Et c'est tellement vrai qu'on va passer en 1935 de 3 millions de travailleurs syndiqués à 9 millions. Le Wagner Act force le patronat à reconnaître la légalité des syndicats, force le grand patronat américain, et là on parle de l'industrie mobile, on parle de la sidérurgie, force les grands capitaines d'industrie à accepter que leurs travailleurs se regroupent dans des syndicats et négocient des conventions collectives. Dès lors, on va voir augmenter les salaires dans ces secteurs clés de l'économie américaine. Et cette syndicalisation-là va permettre, après 1945, la grande période de prospérité qu'on va appeler les Trente Glorieuses. Mais le Wagner Act est vraiment majeur. C'est une des réformes principales du New Deal. Puis en fait, ce qui est fascinant, on le disait, ce n'est pas un programme politique qui avait été pensé avant le New Deal, mais il y a une marche. Il y a l'urgence bancaire à laquelle il s'attaque d'abord. Ensuite, ce sera les programmes de création d'emplois. Ensuite, ce sera les lois du travail. Et finalement, le filet de sécurité sociale. Le Social Security Act, qui est vital. Pourquoi? Parce que c'est enfin... Les retraités américains de 65 ans et plus ont enfin droit à une pension de vieillesse et les chômeurs ont droit à une assistance pendant quelques mois, une fois après qu'ils soient mis en chômage. Ouais. Donc, c'est le filet de sécurité auquel seront habitués les Américains, qui n'a rien de comparable avec ce qu'on a au Canada, soit dit en passant, ou ce qu'on retrouve en France. Mais c'est emblématique, justement, de la volonté qu'avait Roosevelt de démontrer au peuple américain que le gouvernement fédéral était au service de la population. C'est la grande différence entre avant Roosevelt et après Roosevelt. Ouais. Avant Roosevelt, c'est le laisser-faire économique, c'est le laisser-aller. À partir de Roosevelt, surtout après la récession de 1937, parce que là, il va donner du laisse pour retourner à une espèce d'équilibre budgétaire, on va voir le chômage passer de 7 millions à 10 millions. Là, dès à la fin 1937, il réalise que dorénavant, le gouvernement doit être keynésien. Il doit accepter le déficit spending. Oui, parce que cette évolution, en fait, de Roosevelt, elle va de plus en plus vers la gauche. Elle va susciter une évolution de la réaction des gens d'affaires. Puis on écoute là-dessus à nouveau le sociologue Lewis Causer à l'émission des idées des hommes en 1960. Souvenez-vous, au début, dans le gros de cette récession, le milieu des affaires est avec Roosevelt. Mais ça va, il le voit aller, puis à un moment donné, là, on décroche. Mais il me semble que la réaction des milieux d'affaires était assez curieuse. Au commencement du régime Roosevelt, au moment où il y avait le moratoire des banques, où il paraissait vraiment que le capitalisme américain était arrivé dans une crise fondamentale et profonde, le milieu d'affaires se laissait faire. Il n'opposait pas beaucoup les premiers pas de l'administration Roosevelt. Mais quand les choses se sont améliorées un peu, quand le milieu d'affaires avait le sentiment que Roosevelt allait peut-être un peu plus loin qu'il voulait le voir, alors ils ont commencé de l'opposer d'une manière assez énergique. On me racontait l'autre jour une blague qui peut-être nous donne une impression de ce qui se passait. On me disait, mais au fond, les milieux d'affaires en Amérique étaient comme cet homme qui était en train de se noyer et qui a été sauvé. Et maintenant, il se plaint qu'on a oublié de se tirer son chapeau de l'eau. Donc, vous l'évoquiez, André Champagne, il va avoir une politique très progressiste, de gauche, d'interventionniste de l'État. Il va s'en distancier parce que, on vient de l'entendre, le milieu des affaires va faire pression pour finalement... Le bilan, il va finir son mandat sur le plan économique, de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a avec eu, cette pression du milieu des affaires. Il y a eu la récession de 1937. Provoqué par son retour à un certain conservatisme fiscal. Mais, sous cette pression-là. Oui, sous cette pression-là. Mais le fait que le chômage augmente de 3 millions, passe de 7 à 10 millions en 1937, ses conseillers lui font comprendre que il faut mettre un terme au laisser-faire et que dorénavant, le gouvernement fédéral doit suivre des politiques keynésiennes, doit être interventionniste, quitte à créer des déficits qui seront éventuellement remboursés. Donc, mais il reviendra. Il reviendra. Donc, c'est surtout dès 1938 que là, on peut vraiment parler du Roosevelt progressiste, du Roosevelt qui accepte le déficit spending. Mais ce qu'il faut voir également, c'est qu'en 1939, il y a encore 9 millions de chômeurs aux États-Unis. Et ce qui va mettre un terme à la crise économique, à la Grande Dépression, c'est les contrats d'armement, c'est les contrats de guerre. C'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale qui va relancer l'économie américaine. Et pourquoi Roosevelt est-il un si grand président? C'est qu'il a affronté deux des plus graves crises de l'histoire américaine, la Grande Dépression et, éventuellement, on y reviendra, le défi lancé par Hitler et le Japon. Parce que le Roosevelt de la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement une autre émission. André Champagne, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.